J'ai un peu peur. Et donc, je chasse le bruit. Avec ma voix. Il est minuit, il est ni pluie, et les oiseaux me donnent l'autorisation de m'exprimer. Là, j'ai le droit de parler parce que mes oreilles sont ouvertes, et donc par conséquent, je suis dirigé à travers l'espace et le temps vers l'obligation de leur dire ce que je pense de ce temps pourri. C'est vraiment un temps pourri. Il pleut et je ne suis pas là pour apprendre la langue française aux oiseaux au milieu de la nuit. Ce n'est pas normal. Je ne suis pas là pour apprendre le français aux oiseaux. Alors je vais poser une question demain, mais pas aujourd'hui. Est-ce que les oiseaux parlent le français? Et s'ils le parlent, est-ce qu'ils pourraient, s'il vous plaît, parler plus doucement afin que je comprenne? C'est pas comme ça qu'on chasse les avions. Ce n'est pas comme cela que l'on chasse les avions. Il y a des infidèles en Iran. Le roi Rouhani n'est pas un infidèle, c'est un fidèle. Il y a des infidèles en Irak. Il y a des infidèles en Arabie Saoudite. John Kerry n'est pas un infidèle. Alors qu'est-ce que vous attendez pour arrêter tout ça? Alors mes coordonnées, alors mes coordonnées, alors mes coordonnées, alors mes coordonnées. Gris Noir France, rue d'Enghien, à Paris. I won't talk anymore. Well, I have a problem because they didn't give me any letter yet and said to me, Dan, I had not any message. Grinoir is in touch with Grinoir World. I won't talk anymore, but there is a big, big, big problem. I am the manager of Grinoir since years and years. It's strange not to have any messages left in the office. voilà tout pour les infidèles. J'ai un énorme problème avec ces jeunes Français de Grinoir France. Le siège à Paris ne m'appelle pas. J'appelle les référents, c'est-à-dire le chef de Grinoir Marseille, le chef de Grinoir Rouen. Ça vous plaît ? Rouen. Et il y a à peu près 20 chefs de Grinoir disséminés en France. Je les appelle régulièrement pour leur demander s'ils ont essayé de m'appeler, pour leur parler de temps en temps. Au cas où, par exemple, hein, le siège à Paris était dans l'incapacité de m'appeler parce que, je ne sais pas, mon téléphone était bloqué, ou ils étaient à moitié inconscients de leur devoir de rentrer toujours en contact avec moi. La dernière fois, j'ai eu Sophie au téléphone, c'est une référente, elle m'a dit « Tu n'es pas membre de Greenpeace », ça veut dire qu'en plus, ils sont en train de parler de moi. Ils sont en train de faire des magouilles. J'ai téléphoné à Julie à Paris, pour savoir pourquoi j'étais plus membre de Greenpeace, c'est parce que l'État français m'a prélevé 120 euros par mois de RSA. J'avais 500 euros par mois de RSA, j'ai plus de 364 euros de RSA. Donc le prélèvement automatique de Grinoir France n'a pas pu être effectué. Donc Sophie me dit comme ça, quand je l'appelle, Tu n'es pas membre de Grinoir. En plus, ils parlent entre eux, ils communiquent entre eux. Voilà. Alors, je ne suis pas un paranoïaque comme Staline, hein, mais il s'expose à des corrections. Dites-leur, hein, ça fait 30 ans que je suis membre de Greenpeace, j'ai adhéré à... Pardon, 30 ans que je suis membre de Grinoir. J'ai adhéré à Grinoir à l'âge de 20 ans. Voilà. Et considérez-moi comme un bénévole de Grinoir. Là, j'ai essayé par Internet de me réinscrire en mettant mon numéro de téléphone. Ils ne m'ont pas rappelé. Ça ne me dérange pas de payer 5 euros par mois si le prélèvement automatique il est bloqué. Mais laissez tomber. Considérez-moi comme un bénévole. Je vais vous donner de l'argent, moi. Je vais vous en donner de l'oseille. Les Français de Grinoir. C'est pareil, hein. Communiquer avec Grinoir des autres pays. Vous avez pris du retard, hein. Sauvez-moi la vie, hein, et je vous donnerai de l'oseille, c'est promis. Juin 2016, et le type il m'appelle même pas. Ils m'ont pas encore appelé. Il n'y a pas un seul type de Grinoir France qui m'a rappelé. Ça veut dire qu'ils veulent pas de moi aux affaires étrangères, que même le vœu des Français, avec le remaniement du 11 février 2016, le lendemain de mon anniversaire, c'est quelque chose que eux, les membres de Gris Noir France, réprouvent. Donnez-leur de l'oseille. Là, je viens d'effacer 3 documents de CBS Radio Mystery. C'est sur oldradio.com. Quand tu compares Amos and Andy, qui sont des musulmans, des écologistes, à ces blancs de CBS Radio Mystery, là, je suis en train d'écouter Amos et Andy, l'équipe. Donc, j'ai écouté Amos et Andy il y a une heure à peu près. J'en écoute 2-3 tous les jours. Et là, je réécoute les trucs de CBS Radio Mystery. C'est pas de la radio. Mais même si c'est pas de la radio, c'est blanc. J'étais en train de faire un état des lieux de Gris Noir France. C'est blanc. Ils ont le mal en eux, mais à un point très très très impressionnant. Très impressionnant. Là vraiment, hein, j'ai effacé 3 trucs de CBS Radio Mystery. Je vais pas dire un petit peu la haine, mais quelle haine, avec une hypocrisie. On va dire que leur système, c'est l'hypocrisie. Regarde un petit peu, par exemple, ils ont souvent, CBS Radio Mystery, c'est des trucs qui ont été diffusés en 1970-1975 en Amérique, qui se prétendent écologistes. Et à chaque fois qu'ils vont commencer leur émission, il va y avoir le bruit d'une voiture avec un mec qui va dire « Vous êtes dans votre voiture, vous êtes bien, vous êtes à l'aise, c'est le bonheur, c'est la joie, vous êtes bien comme ça. » Mais en fait, que se passera-t-il après? Vous serez bientôt obligé de vous séparer de votre voiture, avec une super musique, le mec dans sa voiture et tout. Et après, ils disent, bien entendu, ils racontent une histoire avec beaucoup d'images, ils disent, c'est pas bien, les voitures. Et l'émission suivante, c'était diffusée toutes les semaines, pendant des décennies, pendant une dizaine d'années, en Amérique. La semaine suivante, rebelote, ils commencent l'émission avec, c'est une émission qui avait une très très forte audience, hein, sur CBS. Et tout au début, pareil, avec une super musique, tout au début de l'émission, vous êtes dans votre voiture, la vie est belle, vous faites des kilomètres, super musique toujours, tu sais pas pourquoi. À chaque fois, ils vont commencer comme ça, et t'as le thème de la voiture qui vient, et qui revient, et qui revient, et qui revient. Ils savent pertinemment qu'il ne faut pas consommer de pétrole. Mais pourtant, ils commencent toujours avec une histoire de voiture avec une super musique, comme ça. Après, ils font l'écologie, ils disent, il faut pas, c'est pas bien. Et après, il y a tout le temps un mec qui va dire, ouais, mais bon, quand même, bon, les voitures, le pétrole, comme ça, pour gazer les êtres humains, comme ça. Et puis après, comme ça, ils disent, mais en vérité, c'est pas bien. Et puis après, tout nouveau, il y a un mec, tout ça, qui dit comme ça, tout le temps, sans cesse, du début jusqu'à la fin. Souvent, celui qui dit c'est pas bien, d'ailleurs, il y a une femme qui arrive comme ça à rattraper le coup, une américaine, qui dit, mais arrêtez, ils sont un peu dans l'improvisation, enfin, arrêtez de dire n'importe quoi avec les voitures, vous savez bien que c'est faux. Toujours. T'as aussi de la pédophilie. T'as tous les vices dans ces émissions de CBS Radio Mystery. Les voitures, les avions. Là, j'ai effacé une nouvelle d'Edgar Allan Poe qui prétend avoir adapté à la radio en 75. Il y a la bagnole au départ. Ils sont dans un bateau, c'est-à-dire que après la bagnole, il y a la traversée de la mer dans un paquebot. Il y a tous les vices. T'as tous les vices dans le truc. Ça, c'est Gris Noir France, tu vois. C'est très, très impressionnant. Gris Noir France, des fois, j'ai fait une réunion avec Gris Noir Bordeaux. L'hôtel est arrivé en voiture. Il y en a la moitié qui arrive en voiture, comme ça. Donc, je réalise un peu à quel point c'est des hypocrites. Hein. C'est impressionnant. Surtout quand j'écoute, là je suis en train de découvrir Amos Andy. Je vais en parler encore. C'est un peu pour moi ces enregistrements, parce que je passe quand même des bons moments avec eux. C'est des musulmans, des arabes et des noirs musulmans. C'est que de l'amour. Il n'y a pas une bagnole dedans, il n'y a pas une allusion, rien. Que de l'amour. À la troisième émission, c'était en 1952, le leader, il dit, il faut fédérer les militaires pour lutter contre les vaisseaux spatiaux. Le mec, il avait déjà fait sa réflexion avec des copains là-dessus. À la troisième émission, prodigieux. Beaucoup de noirs, beaucoup de femmes noires aussi. Tous ensemble. Un ou deux arabes et des noirs, comme ça. Que de l'amour. Tu verras la différence. C'est aussi des Américains. Hein. Superbe. La différence entre CBS Radio, CBS Mystery, c'est pas de la radio du tout, hein. CBS Mystery, CBS Gris Noir Mystery, et Amos and Andy est grande. Je vois le contraste entre les deux. Voilà, j'ai effacé trois truc de CBS Gris Noir Mystery. Je continue à tous les coups. Waouh. Dire qu'ils sont responsables de l'avancée de la technologie spatiale avec l'argent du pétrole en Amérique, ces écologistes hypocrites, vraiment, t'as qu'à vérifier. Au fait, la police, là, essayez d'en mettre quelques-uns en prison directement, là. Ils sont à 12 rue d'Angiens, ils font que des recherches d'argent. C'est tout. Ils prospectent. C'est tout ce qu'ils font. Regardez, hein, vous les arrêtez, vous leur mettez des affaires au cul, vous les mettez en prison aussi. Hein. Par tous les moyens, il faut les arrêter, ces gens-là. Hein. Hein. Ils passent leur temps au téléphone à demander de l'argent à des gens. Mettez-leur des affaires au cul et mettez-les, je ne dis pas au trou, hein, je ne peux même pas assimiler ça à des soldats. Étudiez bien le mal qu'ils ont fait, ces Gris Noirs France, ces 30 dernières années. Et vous allez les mettre, la moitié, vous allez les mettre en prison pendant 10 ans. Allez-y, la police. Madame le juge, regardez de près. Allez-y. Oui, Madame le juge, il y a par contre un fait qu'ils ont commis, certes ils sont présumés innocents, mais ils sont présumés innocents, c'est non-assistance à personne en danger. Je suis Laurent Seninger, et voilà maintenant 3 ou 4 mois que j'accuse les membres de Gris Noirs France de non-assistance à personne en danger. Voilà, j'ai tout misé sur eux. Donc je vous demande d'étudier ce dossier, Madame le juge d'instruction, et proportionnellement à mon importance, pour protéger l'univers, je veux que vous jugiez, et si ces gens sont coupables de non-assistance à personne en danger, même si je ne suis pas tué, hein, vous les condamnez sévèrement. Très important, Madame le juge, pour ajouter au dossier, très très important. Je vous parle des fois des référents Sophie, des référents Roselyne. Ce sont des femmes qui me répondent au téléphone. Par contre, il y a tous les référents hommes, ce sont des hommes de 30-40 ans qui, eux, ne me répondent jamais au téléphone. Donc, il pourrait apparaître dans votre dossier d'instruction que les hommes de Gris Noirs France sont moins responsables que les femmes dont je parle dans une dizaine d'enregistrements, qui ont bien voulu décrocher leur téléphone parce qu'elles ont un vice de l'argent moins fort que chez les hommes, la vingtaine d'hommes référents de Greenpeace. Mais ces hommes référents de Greenpeace sont plus responsables encore que les femmes, Sophie, Roselyne, que vous allez juger aussi, bien sûr, puisque j'en parle dans une dizaine de rapports. Ils appellent ça dans leur jargon les référents. Tiens, pour un peu d'amour maintenant. C'est étrange parce que, avec le rêve, ça m'arrive souvent, ça fait deux fois aujourd'hui que ça m'arrive. Je viens de parler des traîtres de Gris Noir France. Et je suis en train comme ça de rêvasser, j'écoute de l'anglais encore. Et je suis en train de rêvasser, et j'en arrive à Olivier Besancenot. Alors là, tu vois, il faut que j'appelle Olivier Besancenot pour lui demander les sujets que je devrais aborder ou que je devrais approfondir. Pas comme ça dans ma pensée. Et ça m'a, plusieurs fois aujourd'hui, ça m'a... Tiens, bah, je vais te dire... Alors déjà, c'est très étrange, c'est connexion onirique. J'ai vu Olivier une seule fois, on s'est serré la main une seule fois, mais il m'a tellement plu que je vois très très bien qui c'est. Voilà, c'est un Français. Bon, ils ont des exemples en plus, ces gens de Gris Noir. Voilà. Il y a le parti anticapitaliste qui me dit, écoute, viens nous voir parce que là, t'es sans issue. Là, dans mon rêve, 10 minutes après avoir fini de parler des traites de Gris Noir France. C'est drôle, hein? Tout à l'heure, c'est juste pour moi aussi, en rêvassant. J'étais en train d'écouter Philippe Vandel. Et il était avec une femme plutôt arabe. Et en rêvassant, moi qui ai toujours un complexe en me disant, nous les Arabes, on n'a pas le niveau des Noirs pour faire les singes. Eux, ils sont plus forts que nous. Vraiment, depuis 2-3 ans, j'ai toujours un complexe. Et c'est vrai qu'on a un vice de l'argent plus accentué, nous les Arabes, que les Noirs. Et regarde, en écoutant Vandel et une superbe femme arabe, mais vraiment pleine d'amour et très sexe, hein. Voilà ce qui m'est venu dans la tête. On était rien qu'en rêvassant, hein, on était tous les trois, émission Koh-Lanta, les Arabes qui gagnent toujours dans cette émission Koh-Lanta, avec on mange des insectes, on se regarde dans les yeux, par l'espèce de défi d'adversité et en même temps le soutien de la communauté, on mange des limaces alors qu'on n'en a jamais mangé de notre vie, des insectes, des trucs comme ça. Il y a quoi d'autre? Qu'est-ce que j'ai vu encore? C'est drôle, hein? Que des Arabes. Juste en écoutant la voix de Vandel et de la femme qu'il recevait. Et peut-être qu'on était une dizaine, une quinzaine. Et ouais. Koh-Lanta, j'ai dû voir une ou deux émissions de Koh-Lanta, je reprends confiance en moi, les limaces et tout. J'arrive, alors déjà, moi j'ai un atout sur les femmes qui sont supérieures à nous au niveau de la réintroduction dans le milieu naturel, je le sais. Je sais qu'il y a des sorcières qui vont manger des œufs, qui sont vraiment, qui ont été les sorcières authentiques, hein. En France, peut-être même aujourd'hui qu'il y en a quelques-unes. Nous, les hommes, on n'a pas le niveau en France, donc on est légèrement moins fort, évidemment. Par contre, moi, j'ai un atout, par exemple, c'est la marche à pied. Je vais pouvoir, pendant 2, 3, 4 heures, marcher à une vitesse phénoménale avec mes grandes jambes. Donc, j'ai des atouts et j'ai des handicaps. On se retrouve tous les soirs, on est tous ensemble, les uns en face des autres, pour surmonter le dégoût, par exemple, de ceci ou cela. C'est simplement le fait de s'aimer et d'aimer cette nouvelle forme, comme ça, et on mange des limaces, et on fait ci, et on va se laver dans la rivière, et donc comme ça, les Arabes, parfait. Il n'y a même plus un noir, tu vois. Juste pour me corriger le complexe. C'est drôle, hein, au niveau de la pensée. Alors bien sûr, les Noirs, ils sont plus forts que nous, mais c'était pour enlever mon complexe d'une infériorité de nous, les Arabes, par rapport aux Noirs, pour être des singes, des vrais, là, de notre vivant, là, dans peut-être 2 mois, j'espère faire du Koh-Lanta. Koh-Lanta, enfin, faire singe avec 10 singes, des noirs et des arabes, dans une forêt, dans plusieurs forêts françaises. Je préférerais être sur mon terrain, j'ai deux forêts que je connais bien. Et voilà. Voilà, c'est un challenge. Voilà. Tout ça, c'est pour dire, au niveau de la pensée, c'est drôle, hein, ces connexions oniriques. Très impressionnant. Juste une question, parce qu'il m'arrive souvent d'arranger mes rêves. Dans les émissions de Koh-Lanta où des Arabes ont gagné, vraiment, est-ce qu'il y avait des Noirs? Question. Parce qu'avec mon retour, je me la raconte, mais il est possible qu'il y ait eu qu'il n'y ait pas eu de noir dans les émissions de Koh-Lanta où effectivement des Arabes ont gagné. En plus, c'était F1, t'imagines le truc. Tiens, ça me fait penser là, parce que moi j'ai une forte audience, moi. Les juges, je l'ai déjà dit, mais je le répète, il y a parmi vous des juges corrompus. Des juges qui trahissent la justice et qui vont rejuger vos jugements après que vous ayez dit la vérité. On aurait pu arrêter TFA il y a une dizaine d'années si ces juges n'avaient pas trahi. Alors là, les militaires français, vous aidez les juges. Ces juges qui trahissent, ils ont laissé des traces. Donc, les juges, ce sont souvent des juges femmes d'une quarantaine, d'une cinquantaine d'années. Vous contactez les militaires. Là, c'est maintenant que vous pouvez vous défendre, défendre la justice pour arrêter les 50, peut-être 60% de juges qui ont trahi et vous les mettez en prison. Évidemment, ça va de soi. Ne doutez pas. Pour les officiers qui parmi eux ont des officiers traîtres, c'est plus compliqué, parce que ce ne sont pas des juges, ce sont des militaires, des officiers. Ils n'ont pas l'arme de la justice pour se laver comme ça, se parfaire. Mais pour vous les juges, enfin vous avez l'intelligence pour juger, vous pouvez mettre ces juges qui ont rejugé pour empêcher votre jugement de condamner un criminel, vous pouvez mettre ces juges hommes, mesdames les juges femmes, et quelques juges hommes aussi certainement qui sont parfaits, vous pouvez les mettre en prison. Allez, exécution. naturel, c'est juste fautif aussi, hein. Qu'est-ce qu'ils sont cons, c'est incroyable. Ce que j'ai dit est valable aussi pour les Russes. Pour tout le monde, hein. Et pour les Russes aussi. Pour les Russes aussi. Ah. Je ne sais pas quoi dire, moi. Je ne sais pas quoi dire. Tout ce que je sais, c'est que pour l'instant, il n'y a rien qui a changé. Rien. Donc, est-ce que les juges russes et les soldats russes, vous faites suffisamment le ménage, ou est-ce que depuis une dizaine, une quinzaine d'années, vous avez douté, vous commencez à prendre de mauvaises habitudes et que vous n'essayez pas de vous corriger? Les Cubains, les Vénézuéliens. Tu imagines des gens qui doutent, ce serait catastrophique. Mais juste un truc, hein. Si les FARC, les soldats colombiens, ils ont été si forts en mettant, en kidnappant des parlementaires, il y a une dizaine d'années, une quinzaine d'années, à plusieurs reprises, ils sont sortis de leur forêt et ils ont kidnappé des gens de l'Assemblée nationale de Colombie. C'est parce qu'ils étaient 24 heures sur 24 dans la forêt? Ces soldats colombiens, ces FARC. C'est des grands moments de l'histoire, des actes grandioses de soldats. Il faut savoir que s'ils ont fait cela, cet acte supérieur sur toutes les armées du monde, c'est que les soldats colombiens, quand ils ont kidnappé il y a 10 ans, il y a 20 ans, au pire de l'adversité, des hommes et des femmes politiques de Colombie en allant de leur forêt à la ville, en les prenant avec eux et en les ramenant dans la forêt, c'est parce qu'ils étaient en toute indépendance 24 heures sur 24 dans la forêt. Donc les soldats russes, si jamais, comme ça, vous êtes dans vos casernes et vous vous dites, ben, ce ninja, il est bien gentil, mais il fait trop froid pour être dans la forêt 24 heures sur 24, nous, les soldats, les officiers russes, on ne peut pas. Dis donc, vous vous foutez de ma gueule ou quoi? Vous avez fait deux guerres en Tchétchénie, vous avez la Tchétchénie, installez-vous en Tchétchénie, c'est au sud. Vous vous installez dans les forêts de Tchétchénie. C'est Tchétché-vous. J'aimerais bien voir un peu là-bas en Russie, si je pouvais y aller. Attends un peu. C'est important ce que je dis là. Alors, on a un avantage, hein, parce que les hommes politiques, quels qu'ils soient, hein, on ne peut pas leur faire confiance. Même Vladimir Poutine, même Dimitri Medvedev. Par contre, nous, les juges et les militaires, on est dans tous les pays. Je ne vois pas pourquoi on doute. C'est nous les communistes. Là, je parle au nom, je suis le porte-parole des juges et des militaires. C'est les deux seuls pouvoirs qui sont officiellement reconnus depuis des milliers d'années dans tous les textes officiels. Le pouvoir médiatique est illégal. Voilà. On devrait avoir, est-ce que là, en France, en Russie, on a des juges qui sont dans la forêt avec leur téléphone portable ? Avec leur ordinateur portable, des sortes de sorcières comme ça, vraiment redoutables, oui ou non? Alors vous regardez, sinon, si c'est non, vous leur expliquez aux juges qu'il faut qu'ils s'installent dans la forêt avec un ordinateur portable et un téléphone portable. Pareil dans tous les autres pays du monde. On a une chance, un atout avec nous les communistes, c'est que on a déjà des militaires dans tous les pays du monde. Je dis bien dans tous les pays du monde. Les médias n'ont pas réussi à tuer, à exécuter les militaires dans quelques pays que ce soit, même en Amérique. Par contre, nous les militaires, Nous avons un défaut. Je suis bien placé pour le savoir. J'ai été militaire et je suis resté dans une caserne pendant un an. Il y avait la cantine, il y avait les copains, il y avait le mess des officiers, il y avait tout. Ça entre nous, comme ça. Mais j'étais stupide. Je n'avais pas pris conscience qu'il me fallait, avec 10 hommes, m'installer avec mon campement dans la forêt. 15 heures sur 24, un talkie-walkie. C'était avant l'invention du téléphone portable. Parce que les ordinateurs vont disparaître dans 10 ans, 20 ans. On aura des talkie-walkie. On pourra communiquer entre nous. Mais le plus important, c'est de s'installer dans sa tente avec 10 hommes, même si on est un général et qu'on a appris des mauvaises habitudes. On fait des efforts. On a confiance en nous. On est dans tous les pays du monde. On est le pouvoir militaire, on est communiste. Attention aux conventions mensongères que vous avez dans votre esprit. Que ce soit, par exemple, Felipe VI, le roi d'Espagne, bien roi, le roi d'Espagne, comme ça, dans son palais, comme ça, dans son palais, comme ça, il a une convention, c'est un roi, et dans sa tête, il a une fausse convention, comme ça, il dit comme ça, moi, je suis roi, donc comme ça, je suis dans mon palais, entre des murs. Oh, l'abruti. Les conventions aussi, comme ça, des juges, comme ça, qui ont des fausses conventions dans leur tête. Devinez laquelle, parce que c'est tellement... Mais c'est tellement stupide. C'est une fausse convention. C'est quelque chose qui leur paraît normal. Bon, en attendant, je vais parler des problèmes psychiques provoqués par les soldats dans les casernes traumatisés avec des séquelles psychiques parce qu'ils n'arrivent pas à faire la guerre et ils ont besoin de faire la guerre. Ils ont des traumatismes psychiques dans les casernes. Vous pouvez vérifier. Essayez de parler avec eux, essayez de les aider. Ce sont des gens en souffrance psychique, des officiers qui ont à leur tête des soldats, des hommes, et qui sont dérangés mentalement, gravement atteints dans les casernes, entre leurs murs, dans le mess des officiers. Aidez-les. Donc la question, c'est Quelle est la fausse idée? Qui traîne dans la tête des juges. Translater doucement. Mais ayez confiance tous en vous. Poutine, voilà ce qu'on va faire en Russie. Vous donnez les instructions de s'installer dans la forêt avec un ordinateur portable, un talkie-walkie, une collaboratrice, un greffier, 2, 3, 4, 5 collègues. Des juges, à tous les juges, vous, aux juges russes, hein, vous leur expliquez cela. Et après 5 mois, 6 mois, s'ils ne se sont pas installés dans la forêt, avec tout l'équipement, hein, vous leur donnez vraiment de l'équipement au niveau des budgets, des superbes tentes gratuites, ce qu'on appelle un greffier ou deux greffiers pour les aider, qu'ils soient aussi forts physiquement pour qu'ils puissent s'adapter à la forêt, faire leur marche à pied, leur sport. Il faut quand même les entraîner physiquement, des sortes de coachs. De longs voyages dans des pays, dans des régions au sud de la Russie où le climat est parfait. Vraiment une promotion, hein, vraiment. Vous mettez les moyens, mais en même temps vous sanctionnez. Et c'est là le plus important. Si jamais, au bout de 6 mois, les juges russes n'ont pas fait ce que vous leur avez demandé par écrit, vous les sanctionnez, et vous les sanctionnez sévèrement. Par exemple, vous les mettez 2 jours en prison, ou 3 jours en prison. Vous mesurez la peine nécessaire pour les obliger à s'installer dans la forêt et juger en toute indépendance. Alors, c'est valable aussi dans les autres pays, mais comme je sais que les Russes sont plus disciplinés, et Poutine est quelqu'un qui a fait ses preuves, je m'adresse à lui, et c'est de là que l'offensive armée est lancée. Voilà. Mais c'est pareil pour les autres administrateurs, je dirais, dans tous les pays. Vous envoyez un courrier au juge de votre pays, vous leur demandez dans les 6 mois de s'installer dans la forêt pour être indépendant, et s'ils n'ont pas fait ça au bout de 6 mois, vous les sanctionnez sévèrement, hein. De façon, sévèrement, mais de façon à ce qu'ils puissent, en sortant de prison, comme des tigres, être réintroduit dans le milieu naturel, bien sûr. Même système pour les officiers. Il y a déjà des prisons spéciales dans les casernes. C'est déjà préparé. En France, on appelle ça le trou. Donc vous faites pareil, un courrier. Et si dans les 6 mois, les officiers ne s'en sont pas installés avec 10 hommes, leur campement, dans la forêt, les officiers, capitaines, commandants, généraux, gros, vous les mettez au trou, 2 jours, 3 jours. Et s'il y en a qui ne sont pas capables physiquement de s'installer dans la forêt, qu'ils quittent le métier de militaire, et pareil, s'il y a des juges qui ne peuvent pas s'adapter physiquement à la forêt, qu'ils quittent le métier de juge en sortant de prison. Ou tout de suite, hein, quand ils veulent. Alors, pas exécution, hein. Vous prenez une feuille de papier, vous écrivez la lettre, feuille de papier, allez-y. je répète, hein, dans pratiquement un discours sur 10, il y a un centre interarmé commun à toutes les armées spécialisées dans la lutte contre les centres de recherche spatiale et les fusées. Ce qui caractérise cette troisième guerre de décolonisation, c'est ce concret. Dans ce centre anti-recherche spatiale, on dira que ce sera le seul endroit avec des murs pour protéger des documents de la pluie. Le seul endroit dans le monde. Il faudra t'écrire, par exemple, en combien de temps les fusées, des fusées dangereuses hein, qui menacent concrètement d'exploiter la planète Mars, en combien de temps des fusées peuvent être construites après la réapparition quelque part du vice du feu. On peut, voilà. Des choses comme ça. Je dis ça parce que John Kerry, le 17 mai 2016, a dit le volume de fusées qu'il va falloir détruire dans les années qui viennent. Il a dit en volume combien de mètres cubes de fusées il va falloir détruire dans les années qui viennent. Donc, par exemple, on peut écrire aussi actuellement le volume de fusées qu'il y a. Voilà. Il faudra écrire aussi des livres qui expliquent ce qu'est la tentative de colonisation de l'espace, ce qu'elle représente. Un livre horrible. Parce que dans 500 millions d'années, les hommes singes, ne croiront pas, ne seront pas assez concernés par le problème des fusées. Mais ils ont la faculté de lire des livres et de se sensibiliser par la lecture de livres, de bons livres, bien écrits, avec plein de détails, vraiment. Donc il faut aussi écrire ces livres qui seront lus pendant 1 milliard d'années. Par exemple, par des écrivains russes, les écrivains russes sont très forts, ils censurent beaucoup parce que ils ne veulent pas que des livres impurs soient publiés, par contre, ils sont forts en écriture. Vraiment. Le centre anti-recherche spatiale pourrait se trouver dans la forêt de Yalta, ou la forêt de Nairobi, une forêt d'Afrique, ou une forêt de Russie. C'est ce que je propose. Comme endroit, j'ai proposé la forêt de Yalta. Voilà, et ce qui fait toute l'explication qu'on ait attendu aussi longtemps avant d'enlever l'argent, c'est que il nous faut écrire ces livres qui expliquent en détail l'horreur de la colonisation de l'espace. Donc c'est maintenant qu'il faut écrire ces livres, hein. C'est très important, je ne l'ai pas encore dit, parce que moi j'écris un peu sur ce sujet-là, mais je ne dois pas être le seul à écrire sur ce sujet-là. Donc, il est très urgent que vous écriviez les meilleurs écrivains du moment. La technologie spatiale, les banques, ce qui s'est passé ces 50 dernières années avec les médias, les banques, la télévision, et puis des fusées qui sont sur le point d'exploiter Mars, puis Vénus, puis d'autres planètes. Tout, vous notez tous les détails. Vous racontez par exemple qu'en France, c'est en 1962 qu'a été créé le Centre National d'Études et de Recherche Spatiale, et que la même année, la première chaîne de télévision française est apparue. Des chaînes de télévision possédées par des milliardaires. En France, c'est Bouygues, la famille Bouygues, tout comme les centres de recherche spatiale aujourd'hui sont à des milliardaires par exemple. Voilà, c'est des milliardaires. Un livre aussi qu'il faudra écrire sur ce qui a été, sur les maisons et les immeubles sur les montagnes des Alpes. Des montagnes qui ont été défigurées. C'est l'horreur absolue. Et à cause des médias, des journaux, ça a été le désordre le plus total. La justice n'a pas pu s'appliquer. Et les maisons, les immeubles ont proliféré sur les montagnes des Alpes. Vous dessinez ces montagnes, les montagnes qui ont été touchées par l'acier, les villes et les villages, pour montrer ce qu'ont osé faire les hommes et les femmes viciés par l'argent, avec des dessins aussi. Vous dites que c'est important, c'est très très important, qu'il n'a jamais été aperçu de vaisseaux spatiaux extraterrestres dans les télescopes, même les télescopes les plus puissants. Et vous imaginez bien que ces télescopes voudraient bien apercevoir des vaisseaux spatiaux extraterrestres quelque part dans l'univers, de façon à trouver un alibi et ne pas être assassiné par les soldats russes et les soldats chinois. Donc vous notez bien tout ce qui a été observé dans les télescopes, même les télescopes les plus puissants, c'est très important. Très important. Voilà, Allah est grand. On a attendu jusqu'à cette année 2016 pour enlever l'argent, parce que si nous l'avions enlevé, par exemple, il y a deux siècles, à l'époque de l'écrivain Gogol, nous n'aurions jamais connu le danger des fusées, les conséquences paroxysmales de ce vice de l'argent. Et nous aurions été moins vigilants si un empire s'était érigé, par exemple un empire qui se serait érigé, par exemple, dans 500 000 ans, après qu'on ait retiré tout l'acier. Et un empire résistant, qui essaye de négocier dans la guerre que lui font les sauvages le droit de continuer de régner pendant longtemps avec son vice de l'acier, de son vice de l'argent. Par exemple, cet empire inventerait que il veut faire des recherches technologiques pour pour je ne sais pas quoi, vous inventez un prétexte que trouverait cet empire. Et les sauvages en guerre contre cet empire résistant pendant 1000 ans, 2000 ans, ne seraient pas assez véhéments, assez guerriers contre cet empire, parce qu'ils n'auraient jamais connu la technologie spatiale et les intentions par les colonisateurs de vouloir exploiter des dizaines, des milliers, des millions de planètes de l'univers. Donc ils auraient peut-être transigé. Ils auraient dit, empire, eh bien, continue tes recherches, puisque tu veux continuer tes recherches. Mais ne t'étends pas. Tu restes dans tes petites limites. Et fais bien attention, parce qu'un jour, nous, les hommes sauvages, nous allons t'attaquer, mais pour l'instant, nous ne sommes pas très motivés. Fais tes recherches, si tu veux, là. Elles ne sont pas bien dangereuses, d'après nous. D'après ce que tu nous expliques. Voilà. Vous comprenez comme il est très important d'écrire des livres aujourd'hui de 500 pages, 1000 pages, très bien écrits comme les livres d'Émile Zola, qui vont parler de ce qui s'est passé depuis 1957 à 2016. C'est très important.